arracher les lyrics sont pas garochés, gauchés sur un brouillon. No way, ça va m'arracher, je vais marcher d'avant de pas presser, je vais rapper. Mais c'est pour essayer de gratter les mains, il faut performer first. Ça prend un beat que tu ressens. Second, ça prend un mec pour nos tympans. Third, c'est une question de sentiment. Fourth, les paroles restent importantes. Peu importe qu'est-ce qui arrive, je reste jiggy esti. J'ai plusieurs styles, je fais le produit fini. Oh yes, souvent il faut que ça groove. Il faut que les fesses bougent, donne une alerte rouge. Moi dans mon rap, c'est ce que je pense, que je fonce, arrête ta défense. Mon CD, il faut qu'il avance. C'est pas du rap de thug, simplement ton idole. Je sonne comme je sens, sans surpoids en parabole. Bref, y'a pas beaucoup de yo-yo, y'a pas de nom sain. Motherfucking bitch, c'est des états d'homme qui m'envahissent sur papier. J'rappe pour moi, c'est ma vie, j'suis prêt à le partager. Donc apprécie, apprécie pas, mais tant que t'écoutes, c'est homemade, live from the sous-sol.